Encore une fois, je prends l'épouvante. J'ai le mal qui chante, j'ai chaud et j'ai froid. Mon cœur se lamente. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, tendre, douce, douce. Tresser avec vous ce lien et cette délicatesse. Vous, mes amis d'hier et d'aujourd'hui. Cette amitié dans la continuité. Amour, regard, silence, un sourire. Une lettre. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, tendre, douce, douce. Françoise, Alain, Claire, Patrick, Kim, Roland, Ré, Jean-Louise. Et tous les autres que je ne saurais nommer. Vous êtes mes havres des soirs de détresse. La goutte d'eau qui fait jaillir la source. Ma lumière. J'ai l'âme à la tendresse, tendre, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Aujourd'hui pourtant, je vous espère. Où êtes-vous? J'appelle, je tends les bras. Nos amitiés se sont délaissées. Plus forte que la mort, le désespoir a dit son dernier mot. Permettez-moi de vous aimer toujours. Riche de nos secrets, j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai, j'attendrai les amitiés nouvelles.